ouais, baba, pour le régime. Au pas de moule, pour mes premiers pas dans mon HLM. 24 piges de galère, au pas de 7 tours. J'm'arme de haine pour ne pas y rester. L'atmosphère est lourde pour contrer mes objectifs. Quelques années sont passées avant que je trouve ma direction, celle de la violence et le temps de la délinquance. Pour mes premiers vols, et puis ça devient une banalité. C'est vrai que les craquants m'ont fait craquer, et la stupidité l'a emporté. Ma jeunesse, je l'ai passée au pas de ma tour. C'est là que je suis à l'abri, personne pour me casser les bonbons. Je m'en fume et je suis mon seul patron. Puis j'ai grandi et on a fait un commerce. J'ai du mal à oublier toute mon enfance, basée au pas de mes blocs, prête à défendre toute intrusion extérieure. Car à celui qu'on pète dans le secteur, ma clique d'or à l'heure est chargée. Au pas de moule, toujours les mêmes bâtards. Au pas de moule, toujours face à l'exclusion. Au pas de moule, trop de frères se sont perdus. Au pas de moule, ouais ouais. Au pas de moule, toujours les mêmes bâtards. Au pas de moule, toujours face à l'exclusion. Au pas de moule, trop de frères se sont perdus. Au pas de moule, ouais ouais. J'ai fait partie du décor, c'était ma carte à vue. Le premier au poste, les yeux fermés, je savais me diriger. À l'abri des regards, je vois le drame causé par ces bâtards. Je préfère me voir dollar que libre. Tant de côtes j'ai brisé et d'haricots baïonnés qui tirent la triste mine. Personne m'empêche de rimer et m'a aidé quand j'ai ramé. Baba au bas de son hall, c'est le carnage avant le décollage. Je suis prêt, celui qui pète plus haut que son cul, je le défonce. Faites passer le message, même les schmites évitent l'autour pour éviter la guérilla urbaine. C'est le problème de nos HLM. Trois mots clés, économie, drogue et armée. Baba, pour mon département, militant. Au pas de moule, toujours les mêmes bâtards. Au pas de moule, toujours face à l'exclusion. Au pas de moule, trop de frères se sont perdus. Au pas de moule, ouais ouais. Au pas de moule, toujours les mêmes bâtards. Au pas de moule, toujours face à l'exclusion. Au pas de moule, trop de frères se sont perdus. Au pas de moule, ouais ouais. Au pas de moule, j'avance et grimpe toutes les étapes en évitant les embûches, prêt pour toute opération. Y'a que les oraux qui font marrer, toujours râler au bas de cette tour. Inquiéter les vautours qui errent dans les alentours. Andec les jaloux guettent, mais sont tous en tête. Très malins, ils sont toujours souriants et accueillants afin de mieux s'infiltrer. Mais je reste calibré pour mieux buller. Arrête tes ragots, mégo. Tu hoches la tête comme un bourrico jusqu'au comico, Neko. Pour tous les refrains que t'as balancé, aujourd'hui tu es l'attraction qui s'exile de ville en ville pour esquiver sa sanction. Au pas de mots, j'en ai vu. Au pas de mots, j'ai pris les armes, j'ai financé mon maxi. Un braquage qui va péter toutes les portes de l'industrie. Baba, au pas de moule, toujours les mêmes bâtards. Au pas de moule, toujours face à l'exclusion. Au pas de moule, trop de frères se sont perdus. Au pas de moule.